c'est une autre merveille. Si t'en bois un canon, tu finis la bouteille. L'amour de Zagaston, c'est une autre merveille. Elle te fera péter les blancs, péter les blancs comme ma vieille. On a bu l'apéro, bouffé des cacahuètes, des olives et des dios, le soleil était de la fête. Lulu quitta sa robe, c'est vrai qu'il faisait beau. À la dixième bouteille, on était tous bien chauds. Sur mon vieux transistor, j'ai mis de la musique. Gilbert Bécaud chantait la place rouge, t'es vide. Ouais, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'amour de Zagaston, c'est une vraie merveille. Si t'en bois un canon, tu finis la bouteille. L'amour de Zagaston, c'est une vraie merveille. Elle te fera péter les plombs comme ma vieille. Elle est montée sur la table, elle a fait la danse du ventre. On tapait dans nos mains pour marquer la cadence. Gaston criait à boire, il me faut du rouge encore. Et Lulu déchaînée n'écoutait plus que son corps. Mon voisin se fait parmi, je vous raconte pas la suite. Mais il y avait bien longtemps que j'avais pas pris une cuite. Ouais, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qui sait, d'un chemin plus sûr où poser mes pas, pour une guerre non violente. Tout seul, j'irai pas plus haut, peut-être plus bas, peut-être plus bas. Qui sait, j'aurai sans doute un jour besoin de toi. De toi, si je ne suis plus le même. Qui sait, on se dit toujours qui vivra verra. Et moi, j'aimerais voir comme on s'aime. Apprends-moi que donner c'est recevoir plus fort. Si je me fais attendre, rappelle-moi que toutes les vies se valent encore, les petites, les grandes. Qui sait, j'aurai peut-être un jour besoin de secours. Un jour où je n'aurai plus personne. Qui sait, une douce phrase dans un matin sourd qui court, un petit feu pour les hommes. One day, I will need your smile to color my day, my day, if I can't see any rainbow. Qui sait, l'aube d'un regard qui ne juge pas, non pas, mais qui partage les peines. Apprends-moi que donner se recevoir du soleil, sans qu'on me le demande. Rappelle-moi que que toutes les vies se valent en pareil, les petites et les grandes. Amia yebi, bene mokili angwe koko malobi. Bere akutawu, bawa membris pertimari mama tahari. Oh, ushkun, ushkun, nali. Mieda, akhri akol, ma yela. Qui sait, j'aurais peut-être un jour besoin de ça. Qui sait, oh c'est ça. Qui sait, j'aurais peut-être un jour besoin de ça. Who knows, if one day I need to know you'll always be there. Qui sait. Saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture, belle maison. Dans la chambre ou dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le roi. Fais le monde à ma façon, couler dans l'or et le béton. Quand on cache, t'es en prison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme, la négation. Pur produit de consommation. Moi mon compte est bon, mon compte est bon. Je suis le roi, le roi des camps. un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature, sur la terre sans d'autres raisons. Moi je tourne en rond, je tourne en rond, je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature, sur ma peine et ma punition. Moi je tourne en rond, je tourne en rond, je suis un homme et je mesure toute l'horreur. Vers les mêmes lendemains, nos habits sur les mêmes cintres, qu'est-ce que t'en dis? Nos couverts sur la même table, nos corps dans le même bain, nos châteaux dans le même sable, qu'est-ce que t'en dis? Deux âmes jumelles, parallèles, assorties. Ça peut paraître sommaire ou banal, oh, l'ordinaire parcours. Si c'était au contraire, au final, nos héros sur la même estrade, nos laisses sur le même chien, nos portraits dans le même cadre, qu'est-ce que t'en dis? Un père derrière la même porte, et de qui aurions-nous besoin? Chacun dans la chaleur de l'autre, qu'est-ce que t'en dis? Deux cœurs ordinaires, locataires à crédit. Ça peut paraître sommaire ou banal, oh, l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, de l'amour? Dans nos passés tout cabossés, dans nos petits cœurs d'occasion, lorsque se seront effacés les ardoises, pourra s'offrir un répit, un tapis de laine épaisse, et en dessous ensemble enfouir nos éternelles promesses. Qu'est-ce que t'en dis? Quand le monde devra disparaître, vendu, fendu, mal en point, on nous aura oublié peut-être. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, nos pas dans les mêmes empreintes, vers les mêmes lendemains, nos habits sur les mêmes cintres. Qu'est-ce que t'en dis? Deux âmes jumelles, parallèles, assorties. Ça peut paraître sommaire ou banal, oh, l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, de l'amour, qu'est-ce que t'en dis? Ça peut paraître sommaire ou banal, l'ordinaire parcours. Et si c'était au contraire, au final, de l'amour, qu'est-ce que t'en dis? Et si c'était au contraire final? Ça peut paraître sommaire ou banal. Et si c'était au contraire final? Oh,

parfois pourquoi Dieu m'a fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Qu'un peu tu crois être sorti de la merde petite. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je me demande si la vie vaut être vécue. Je suis conscient que le monde peut pas être parfait. Je me demande parfois pourquoi Dieu m'a fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Qu'un peu tu crois être sorti de la merde petite. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je me demande si la vie vaut être vécue. Quand je veux t'aimer, tu glisses une larme d'émotion dans ton décolleté. Et je voudrais trouver les mots, mais je ne sais plus très bien si je dois me vouer à ton Dieu ou à tes saints. Alors sur ma peau, tu laisses des traces de toi. Tout ce que je vois là dans tes yeux ne regarde que moi. Et l'amour, c'est tout ce que je veux refaire avec toi. Si souvent je suis envieux de ta jeunesse, si je m'attache à elle comme un esclave à sa maîtresse, c'est que sur moi je veux garder des traces de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang bang. Tous les tam-tams africains, je les fais danser quand ton cœur fait bang bang bang. L'amour, tu sais, c'est pas sorcier, mais toi tu m'as bien possédé. Cette nuit, je veux que nous dansions l'apocalypse. Comme si c'était la fin du monde, l'apocalypse now. Et même si la vie sépare un jour tous ceux qui s'aiment, si les gardiens de l'Éden nous posent des problèmes, dans mon âme je veux garder de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang bang. Tous les tam-tams africains, je les fais danser quand ton cœur fait bang bang bang. L'amour, tu sais, c'est pas sorcier, toi tu m'as bien possédé.

voiture, belle maison, dans la chambre ou dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. Je fais le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton. Je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation. Pur produit de consommation. Moi pour compter bon, le compte est bon. Tu vois, je suis banane, je suis le roi de l'illusion. Au fond, le maître du monde dévoile ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des hommes que les hommes abandonnent. Je suis un homme au pied du mur. La nature sur la terre sans d'autres raisons. Moi je tourne en rond, tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature.